la constellation. Les présentations terminées, sonnez les patients. Oublie le septième jour, cette fois-ci c'est la nuit. L'ennui sec, mon soleil, cette étape c'est la vie. J'y peux rien, sacrifie ma place au paradis. La prophétie s'accomplit, voici le Messie MC. Même si c'est risqué, on me teste. Si c'est négatif, c'est pas me détester. Seulement ne pas le manifester. Reste sage, j'ai le message. Remplis tes pages avant de lire, vérifier. C'est pour microphoner, déqualifier ta qualité. J'en ai en quantité, au plus bas prix. C'est bien calibré, c'est gratuit, je me suis. J'envahis l'industrie, armé jusqu'aux dents. Exactement comme le fils de Nil Ortiz. Au parlement, les politiciens parlent en bas. La gueule croche comme les idées, c'est qui m'en parle. On sait tous qu'être les pirates qui portent la jambe de bois. Notre raison n'est pas marquée d'un X, donc je ne déclare pas. En merde, le dernier, les rapports d'honneur. On pense au secteur, déjà la Croix-Rouge cherche des donneurs. Je te donne l'heure, je suis 16. Quel mal on s'en lâche, à l'heure de l'enfer, y'a plus cash qui fasse le bonheur. Quatre chutes par flash, je veux voir mes sales fans. Mais à la chasse au trésor, en train de me faire la poule aux odeurs. Encore et encore plus de liasses de piastres. Alias plus de biatch, j'ai plus de place pour ma bonne face. Écoute ça, t'aimes pas ma musique, j'en ai rien à crisser. C'est trop explicite, illicite, on t'avait bien avisé. Mais quand le noir est blanc, alors vas-y protester, puis manifester. Confirme mon shit sur le marché, comme l'alcool. En 1919, je viendrai trop puissant. Le GMO un capot du 9. N'essayez même pas de m'arrêter ou de me contrôler. Je connais mon rôle dans cette société, jamais je m'enrôlerai. C'est trop mais c'est triste en même temps. Choisis ton camp, pour moi c'est comme ça, pas d'implication. J'ai pas le temps ni la tête à ça. Tu comprends sûrement que c'est l'argent, c'est l'envie qui passe en premier plan.